Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons apprendre le verbe faire et toutes les expressions qui vont avec le verbe faire. Today we're learning faire and all the expressions that go with faire so that we can express lots and lots of things that you do. Let's get started and be real simple. Let's start with the verb faire. Faire in French means to do or to make. Let's try it. First of all, conjugating it really simply. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Now you'll notice that there is some pattern in the verb there. Fais, fais, fais sounds the same. And then faisons, slight vowel difference. Faites, and font, and that should remind you of on or son. Now let's look at some common expressions used with the verb faire, and let's worry about pronunciation first before we get into using them. Faire les courses, faire la cuisine, to do the shopping, to do the cooking, faire la grasse matinée, to sleep in late. Faire son lit, to make one's bed. Faire le ménage, to do the housework. Faire les provisions, to do the shopping. Faire la sieste, my favorite, to take a nap. Faire la vaisselle, to do the dishes. À l'université, faire attention, to pay attention. Faire ses devoirs. Faire le 310-660-3331. Okay, now what do you do on vacation? Faire du camping, to camp. Faire la fête, to party. Faire une promenade, to take a walk. Faire du ski ou du tennis, to ski or to play tennis. Faire un voyage, to take a trip. And you are going to find all these expressions, page 121 of our textbook. Now, tell me, que faites-vous? Let's see if you can answer some of the questions. À quelle heure fais-tu tes devoirs? Moi, je fais mes devoirs à 5 heures du soir. Fais-tu du tennis, du ski, du camping? Je ne fais pas de tennis. Je fais un peu de ski. Je fais rarement du camping. Dans quel supermarché fais-tu tes provisions? Moi, je fais mes provisions à Ralph's. À la maison, qui fait la cuisine? Mon mari fait la cuisine. Le week-end, fais-tu la grasse matinée? Fais-tu la sieste? Je fais la grasse matinée. Je fais rarement la sieste. Well, with that, it's a wrap as far as faire is concerned. À demain!